fais voir, Sébastien? C'est ta photo de classe? Oui, Emma. Là, c'est mon ami Pierrick. Il est sérieux sur la photo, mais il est surtout très sympa. Il aime bien parler. C'est vrai, il a l'air sympa. Et cette fille à côté de toi, c'est qui? Oh, elle? C'est Mathilde. C'est la première de la classe. Elle est intelligente, mais pas très souriante et pas sympa. Et lui, c'est qui? Il a l'air drôle. C'est Louis. Il est toujours joyeux. Il aime beaucoup rire. Vous avez l'air heureux sur la photo.